Bonsoir, chères auditrices, auditeurs de la radio Isanganiro. Bienvenue à l'écoute de cette dernière édition en français de ce 15 août, dont voici les grandes articulations. Ce 15 août, les chrétiens catholiques du Burundi se sont joints à d'autres du monde pour célébrer la fête de l'Assomption. Dans ce journal, notre correspondant en province, Gitega, nous fait le point des cérémonies au sanctuaire marial de Mugera, en commune Bugendana de cette province de Gitega. Plus de 500 pagnes frauduleux ont été saisis la nuit dernière par la police dans le lac Tanganyika, à la frontière burundo-congolaise, et l'office burundais des recettes au beurre précise que les propriétaires ont un délai d'un mois pour récupérer ces pagnes, mais après avoir payé une amende de 50% des taxes. Et le ministre burundais de l'Environnement promet qu'il n'y aura pas de recul quant aux décisions qui visent la protection du lac Tanganyika, d'après qu'il ait pris des mesures d'arrêt de toute source de pollution par certaines industries. Dans ce journal, vous aurez également la chronique santé. Le gynécologue Innocent Ndaikunda nous parlera des méthodes contraceptives. Les détails, c'est dans ce journal mis en nom de Paris Kouimana. À la présentation, Mireille Kanyange. Bienvenue. Vous n'avez pas Isanganiro? Vous ratez l'essentiel. Bonsoir. Parlons religion pour débuter ce journal. Célébration ce 15 août de l'Assomption pour les chrétiens catholiques du monde entier. Au Burundi, les cérémonies ont eu lieu au Mont Sion Gikungu et au sanctuaire marial de Mugera en province Gitega. Dans cette province, Monseigneur Simon Hamwana de l'archidiocèse de Gitega a appelé les Burundais à cheminer dans la justice qui abrite la sécurité. Et de son côté, Révérien Dikuri, au président du Sénat, demandé aux Burundais de tirer des leçons du passé et travailler pour le développement du pays. Les détails avec Arthur Kavabouchi. Dans cette cérémonie de l'Assomption de la Vierge Marie, Monseigneur Simon Hamwana, archevêque du diocèse de Gitega, a demandé aux Burundais de cheminer dans la justice qui abrite la sécurité. Monseigneur Simon Hamwana a indiqué qu'en 1961, le 15 août, tous les archevêques du Burundi, avec les dirigeants du pays, ont prié la Vierge Marie pour que le Burundi soit protégé de tous les dangers, surtout ceux qui proviennent de la mauvaise gouvernance et la mauvaise politique. Il a souligné qu'il restait peu de temps avant l'indépendance, au moment où les Burundais avaient peur d'un autre conflit interne, ce qui est toujours dans les têtes des Burundais jusqu'à aujourd'hui. Il a souligné que toutes ces crises ne sont pas venues des Occidentaux, comme le pense plus d'un. Monseigneur Simon Hamwana a indiqué que même si quelqu'un avait le don de lire dans les cœurs de tous ceux qui étaient à Mugera, il n'y trouverait que le chagrin mélangé de haine, de vengeance à cause du malheur causé par la politique. Il a souligné que le vrai remède est le dialogue inclusif. Le président du Sénat qui a représenté le gouvernement dans ces cérémonies, Révérien Dikuriyo, a fait savoir que le Burundi a traversé beaucoup de crises durant les 56 années passées. Il a demandé à tout le monde que ça doit leur servir de leçon. Il a demandé aux Burundais de réfléchir et voir là où le pays est venu et là où il est pour qu'ils puissent faire avancer leur pays. Arthur Kavabouchi, Gitega, Radio Isanganiro. Arthur Kavabouchi, la police burundaise a saisi dans la nuit de lundi à mardi 550 pagnes frauduleux dans le lac Tanganyika à la frontière burundo-congolaise, précisément entre deux endroits appelés la Coast Beach et Shenhembagare. De véhicules dont celui où l'on était en train de mettre ces pagnes ont également été saisis. Le porte-parole adjoint du ministère de la Sécurité publique, Moïse Nkurunziza, indique que les propriétaires de ces pagnes ne sont pas encore connus. Il dit simplement qu'ils voulaient traverser la frontière sans payer les taxes à l'office burundais des recettes au beurre. Suivez. Les forces de l'ordre, vers 10h du matin, ont constaté les faits. Elles ont saisi alors 550 pagnes qui étaient en bord d'un taxi, mais également un autre taxi était à côté. Le rôle de ce taxi et de ce deuxième taxi, c'était de faire des patrouilles. Comme les forces de l'ordre, ce sont des complices à ces fraudeurs qui vont révéler à ces fraudeurs qu'il y a des forces de l'ordre qui sont en train de passer ici et là, et ces fraudeurs changent de tactique. Ces pagnes ont été saisies le long du lac Tanganyika entre un endroit communément appelé Nembagare et la Kiste. Et le ministère de la Sécurité publique voudrait interpeller la population en général et à ses fraudeurs en particulier et de couper court à ces fraudes et d'emboîter les autres pour payer les taxes et impôts et de ne pas continuer dans ces actes de sabotage économique. Sinon, ces fraudeurs, ce sont des Burundais. Il est tellement difficile de dire qui sont ces fraudeurs parce que les propriétaires de ces pagnes ont pris le large à bord d'un bateau qui venait de décharger ces pagnes. Et c'est finalement l'Office burundais des recettes OBR qui a reçu officiellement les 550 pagnes. Le commissaire général de l'OBR, Audace Niyonzima, dit que la loi prévoit un mois pour que les propriétaires aient récupéré leurs biens, mais ils doivent payer une amende de 50% en plus des taxes prévues. Dans le cas contraire, les marchandises sont vendues aux enchères. Je vous prie de suivre Audace Niyonzima, commissaire général de l'OBR. S'ils se présentent, ils vont payer les taxes prévues par la loi et l'amende de 50% de la valeur de ces pagnes. Et si après un mois, ces propriétaires ne viennent pas, on va les vendre aux enchères et on va mettre les recettes dans le trésor public. Et on prélève 10% pour payer la population ou les personnes qui ont aidé à avoir les renseignements sur cette fraude. L'appel que nous lançons à ces fraudeurs, c'est l'appel que nous avons toujours lancé et c'est l'appel qui a été lancé par toutes les autorités à partir de la plus haute autorité. Nous les avons toujours appelés à passer par l'OBR pour dédouaner ces marchandises, que passer par les voies officieuses et que ça mène toujours à la ruine. Donc s'ils persévèrent et c'est à leur perte, ça va toujours les mener à la ruine parce que la police, l'OBR et l'administration locale actuellement travaillent en synergie pour lutter contre la fraude. Donc, nous ne vont plus avoir de passage tout le long du lac Tanganyika et tout le long des frontières burundaises. Donc, je les appellerai à se convertir, à passer par l'OBR et dédouaner les marchandises comme prévu par la loi pour vendre dans la légalité. Mais s'ils persévèrent dans cette fraude, ça va toujours les mener à la ruine. Donc, je les appelle encore une fois à abandonner cette pratique et cette fraude et passer par l'OBR pour payer les taxes et l'impôt qui est prévu par la loi. Toujours parlant commerce, la commercialisation des produits pétroliers va désormais se faire 24 heures sur 24. Cela contient dans un communiqué de presse sorti hier, 14 août 2017, par le ministère de l'Énergie et des Mines. Ce ministère indique que la situation s'est nettement améliorée par rapport à la période d'avril à juin 2017. Le transport du carburant en bidon ou en fût ne devra plus nécessiter une autorisation du directeur de la gestion du carburant ou du gouvernement de province. Le ministère de tutelle ajoute dans son communiqué que la commercialisation des produits pétroliers doit se faire uniquement sur les stations-service. Captez Isanganilo, écoutez la différence. Poursuivons ce journal sous la page environnement. Le ministre burundais de l'Environnement promet qu'il n'y aura pas de recul quant aux décisions qui visent la protection du lac Tanganyika. Célestin Daizeye le dit après qu'il ait pris une mesure d'arrêt du fonctionnement des sources de pollution par certaines industries. Concernant les industries qui disent avoir payé les frais de traitement de ces eaux usées à la mairie de Bujumbura, il dit que ce cas sera aussi analysé. Suivez-le. Et à chaque niveau, nous venons de prendre une mesure, surtout qui intéresse les premiers pollueurs, quelques industries, que je ne vais pas citer nommément parce que j'ai transmis une correspondance individuelle à chaque industrie, vont répondre individuellement et le suivi approprié est à l'endroit de chaque industrie, de chaque organisation à même de polluer, ne pollue pas de la même manière. Les mesures envisagées pour traiter ou ceux qui n'ont pas service de pré-traitement des déchets avant de les verser dans le lac seront poursuivis. Et sans les citer, il sera à combien ces entreprises? Ils se connaissent, ils sont là, il y a l'inspection, il y a mes services qui ne font que ça dès maintenant, conformément au respect du code de l'eau dans ces articles de 40, 42, 45, 50, 52. Célestin Daizeye, ministre burundais de l'Environnement, sera l'invité de notre journal. En page sécurité, une femme de plus de 70 ans a été tuée la nuit dernière à Gahari, commune Butihinda de la province Muyinga, c'est au nord du Burundi. C'est une deuxième victime de la criminalité en deux jours dans cette province. Les organes de sécurité disent rechercher les auteurs de ces crimes afin de les traduire en justice, comme nous le rapporte Dieudonné Nzeiman. La récente victime de la criminalité est un septuagénaire étranglé vers 19h sur la commune Gahari, Minuti Inda. L'auteur présumé du crime est un homme de la localité qui a pris le cava d'après l'autorité locale. Un jour avant, c'est un militaire qui avait été tué physiquement son compagnon d'armes en commune Guitéranie sur la position Nyarutongo. Là aussi, le criminel a pris le large. Les organes de sécurité affirment rechercher ces criminels à traduire en justice, comme ça a été le cas après l'assassinat de deux enfants tués par grenade à Nyamarumba, commune Muyinga, il y a une semaine. Quatre personnes, dont une mère et son fils, ont été arrêtées et s'attendent au jugement dans ce dossier qui sera bientôt traité en flagrance d'après des sources judiciaires. Au cours de ces premiers mois de l'année, 108 dossiers pénaux, dont 11 criminels, ont été jugés. 187 individus ont été condamnés à des peines diverses et 9 autres acquittés. Dieudonné Nzeyimana, Zuminga pour la radio Isanganiro. Quittons la province Muyinga pour la province Chibitoke, en commune Rugombo, où le chef de zone Gabiro Ruvyagira dans cette commune a été démis de ses fonctions ce lundi. L'administrateur communal Béatrice Kaderi fait savoir que Benon Niongure est accusé de mal diriger ses sujets. L'administrateur Kaderi met en garde d'autres autorités locales qui ne rempliraient pas correctement leur mission. Dikumana Wilson, deuxième sur les 5 élus, est désormais à la tête de la zone Gabiro Ruvyagira. Place à présent à l'invité du journal, le ministre de l'Eau, de l'Environnement et de l'Aménagement du Territoire s'entretient avec Aubin Nyonguru à propos de sa récente mesure d'arrêt du fonctionnement des sources de pollution des eaux du lac Tanganyika. À la source, interview. Honorable Ndaïse Célestin, ministre de l'Eau, de l'Environnement, et bonjour. Bonjour, monsieur. Vous venez de prendre une décision d'arrêt du fonctionnement de la source de pollution des eaux du lac Tanganyika. Qui sont concernés par cette mesure? La pollution du lac Tanganyika a ses sources sur quatre niveaux, principalement trois niveaux. D'abord, il y a la pollution qui vient des usines. Deuxièmement, il y a la pollution qui vient des ménages. Il y a l'érosion qui vient de l'amont dans les montagnes qui surplombent Bujumbura. Quatrièmement, il y a un dysfonctionnement des CTMI qui sont en train de collecter et de traiter les déchets avant de se déverser dans le lac Tanganyika. Et à chaque niveau, nous venons de prendre une mesure, surtout qui intéresse les premiers pollueurs, quelques industries que je ne vais pas citer nommément parce que j'ai transmis une correspondance individuelle à chaque industrie, vont répondre individuellement et le suivi approprié est à l'endroit de chaque industrie à même de polluer, pollue pas de la même manière. Les mesures envisagées pour traiter ou ceux qui n'ont pas service de pré-traitement des déchets avant de les verser dans le lac seront poursuivis. Et sans les citer, le serait à combien ces entreprises? Ils se connaissent, ils sont là, il y a l'inspection, il y a mes services qui ne font que ça dès maintenant, conformément au respect du code de l'eau dans ces articles de 40, 42, 45, 50, 52. Oui, certaines de ces industries disent et affirment qu'elles payent à la mairie de Bujumbura pour que le service CTMI puisse faire le pré-traitement de ces eaux, de ces déchets, avant qu'ils se déversent dans le lac. Pourquoi cette mesure, alors qu'elles s'acquittent de leur devoir? En suivant la propriété de ces eaux, ou ceux qui passent outre ceux qui font la pollution, on ne veut pas traiter isolément sans faire le contour des autres services qui sont là, qui sont à même de protéger le lac. Si le CTMI connaît un dysfonctionnement, c'est un service étatique. Les services publics étaient là ensemble dans les visites. Le CTMI aussi est un organe à assister pour que si une panne quelconque y arrive, que ça soit réparé sans retard. Au bord du lac Tanganyika, l'endroit communément appelé Kumasi, en tant que ministre de l'Environnement, si vous y arrivez et faire le constat que peut faire tout le monde, quel mot pouvez-vous dire? D'abord là, c'est une résultante de ces sources de pollution parce que c'est un point d'acheminement. Ça va de soi que la pollution se remarque prise intensivement là-bas. Alors, je lance un appel à qui quiconque se sent responsable d'une pollution qui, en définitive, au bout du tunnel, ça arrive au lac, le point de chute principal est le point là, Kumasi. Donc, je fais un appel, vraiment, c'est criant. Il ne faut pas que ça perdure. Un dernier message, je dirais, au recalcitrant. C'est la loi qui... On applique la loi, un point entré, on ne recule pas. Merci. Merci beaucoup. Radio Isanganiro Chronique. La chronique santé de ce mardi nous parle de la contraception qui est l'emploi de toutes les techniques et dispositifs ayant pour but de contrôler et empêcher une grossesse non désirée. Le gynécologue Innocent Deikunda va nous dire quelles sont les différentes méthodes utilisées au Burundi et pour combien de temps il faut les utiliser. Les détails dans cette chronique santé signée Francine Ndiokugayo. La contraception est définie comme étant un ensemble de méthodes qui permettent à une femme ou à un couple de contrôler la naissance d'un enfant. La contraception est très répandue au Burundi comme dans le monde entier, d'après le gynécologue Innocent Deikunda, qui nous parle ici des méthodes utilisées. La contraception est conçue comme des méthodes qui permettent au couple et à la femme qui le désire de ne pas concevoir au moment où on ne veut pas de grossesse. Chez nous au Burundi, comme partout ailleurs dans le monde, on utilise des méthodes qui sont reconnues et accréditées par l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qui est disponible dans ce pays, on a à peu près 13 méthodes contraceptives. Il y a des méthodes qui sont dites naturelles, des méthodes qui utilisent l'auto-observation, c'est-à-dire la femme observe son cycle, observe la glaire cervicale et essaie d'éviter les rapports sexuels au moment de l'ovulation, ou bien si elle était obligée de faire les rapports sexuels, d'utiliser les préservatifs. Et il y a aussi des méthodes dites mécaniques qui utilisent les préservatifs ou qui utilisent aussi les stérilets ou le dispositif intra-utérin. Et il y a des méthodes hormonales qui comprennent les implants sous-cutanés. L'utilisation des pilules est aussi un autre moyen d'empêcher qu'un rapport sexuel entraîne une grossesse. Il y a aussi la méthode hormonale dite de pilule. On a trois types de pilules. Il y a des pilules qui sont utilisées par les femmes allaitantes, d'autres qui sont utilisées par les femmes qui n'allaitent pas, et d'autres qui sont dites pilules du lendemain, c'est-à-dire la femme, elle a fait un rapport sexuel au moment de l'ovulation, elle craint d'avoir une grossesse, et puis le lendemain du rapport sexuel, le plus tôt possible, elle essaie de prendre la pilule. Il y a aussi la méthode dite d'injection, où la femme est obligée d'aller se faire injecter une piqûre. Il y a aussi d'autres méthodes qui sont dites chimiques, ce qu'on appelle des spermicides, c'est-à-dire des médicaments, des produits, des solutions qui tuent les spermatozoïdes, donc empêchant la fécondation. Chaque méthode contraceptive a sa durée de validité, selon le gynécologue Ndaikunda. Par exemple, le stérilet, il va durer 5 ans. Il est inséré dans la cavité utérine, dans la matrice, comme on dit. Et avant, on l'insérait quand l'enfant a 6 mois. Mais maintenant, on peut l'insérer aussi en postpartum, c'est-à-dire tout juste après l'accouchement. Et la femme est obligée de se faire consulter une fois par an pour pouvoir vérifier si tout va bien encore. Il y a la méthode de l'implant. On a deux types d'implants sous-cutanés. Ce sont des petites tiges qu'on met juste sous la peau du bras. Et ces tiges, on en a deux sortes dans ce pays. Il y a l'implant long qui dure 3 ans et le Jaden qui dure 5 ans. Et il a l'avantage justement quand on l'insère, on n'a plus besoin d'aller se faire consulter pour des contrôles. On se fera consulter juste s'il y a des effets secondaires. Il y a la méthode, d'injection. La femme se fait injecter une fois tous les 3 mois jusqu'à ce qu'elle désire avoir une grossesse. Aucune méthode contraceptive n'est fiable à 100% et valable tout au long de sa vie. Une certaine opinion pense même qu'il existe des méthodes contraceptives cancérigènes. Le gynécologue Innocent Deikunda va nous en dire plus dans notre prochaine chronique santé. Merci à Francine Ndiokugayo pour cette chronique. Merci également à vous, chers auditeurs et auditrices, qui avez suivi avec attention cette édition. Merci encore une fois à Eric Wimana qui a assuré la mise en onde de ce journal. Une très bonne soirée à tous et à tous. Au revoir.